absente d'elle-même, habitée d'ombre. Elle est heureuse, la terre où tu marches. Fasse taire, qu'on l'enferme, la folle. Naïf Thésée, aime-la comme une mère. Veille sur elle en mon absence. Que tu reviennes et qu'on l'enchaîne, la chienne. Le trait pur, un fil d'ombre nous attache. Je le tire, je t'entraîne avec moi. Noir.